professionnels, commandez maintenant sur bernard.fr. Expert en hygiène, entretien et sécurité en entreprise, Bernard contribue à rendre vos espaces de travail plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement pour le bien-être de chacun. Ayez le réflexe bernard.fr. Simple et pratique, Bernard, c'est 20 000 produits d'hygiène, d'entretien et de sécurité livrés rapidement dans vos locaux. Bernard.fr, tout pour faire briller vos espaces de travail. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. S'envoler et à tire-d'aile atteindre le ciel. Est-ce vraiment un rêve médiéval que les oiseaux volent? Ça, c'est à peu près sûr. Mais qu'en est-il des anges et des démons et des saints et des saintes? Quant aux simples mortels, ont-ils imaginé des machines pour s'envoler dans les airs, vol, ascension, élévation? À l'instar de Dédale et de son fils Icare dans la mythologie grecque, cette référence, il serait dommage de l'éviter. Icare, dit-il, je te conseille de naviguer à mi-hauteur. Car si tu voles trop bas, les embruns alourdiraient tes ailes. Trop haut, l'ardeur du soleil les brûlera. Vole entre les deux. Avance en me prenant pour guide. Il lui apprend également comment il faut voler, puis il ajuste à ses épaules les ailes d'un genre nouveau. Tandis qu'il s'affaire et donne ses conseils, ses joues de vieillard se mouillent de larmes, et ses mains de père sont toutes tremblantes. Il embrasse son fils. Ça devait être la dernière fois. Et s'élevant de ses ailes, il prend son vol le premier, plein d'inquiétude pour son compagnon. Tel l'oiseau qui, du haut de son nid, entraîne dans leur premier vol ses frêles oisillons. Il l'encourage à le suivre, et lui montrant le maniement de ses inventions funestes, il agite ses propres ailes, tout en se retournant pour regarder celles de son enfant. Mais il ne fallait pas s'approcher trop près du soleil dans l'émission Il était une fois en 1959, Icare. Bonjour Nicolas Veille-Parot. Bonjour. Nicolas Veille-Parot, dites-nous, on le connaît bien, Icare, celui qui s'approche trop du soleil, la cire de ses ailes fond et puis voilà, il tombe dans l'eau. C'est une histoire de la mythologie grecque, on la retrouve souvent au Moyen-Âge? Alors elle est connue au Moyen-Âge, notamment à travers les métamorphoses d'Ovide, mais elle n'est pas si prisante qu'on pourrait le penser. Et semble-t-il, c'est plutôt le personnage de Dédale qui est mis en avant, plutôt que celui d'Icare. C'est le père plus que le fils, mais Dédale mis en avant par rapport à quoi? Par rapport au labyrinthe, à cela, ou alors au vol déjà? Le vol est évoqué, mais il n'y a pas une énorme insistance sur le vol. Voilà, il n'y a pas énormément d'insistance sur le vol, mais alors les ailes sont très présentes dans l'iconographie du Moyen-Âge. C'est vrai que ce que nous avons en tête de ces enluminures, on voit souvent des ailes, mais elles sont associées aux anges. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire cet ouvrage, Le vol dans les airs au Moyen-Âge? On est obligé de préciser le vol dans les airs, sinon on a l'impression qu'il s'agit de brigandage. Eh oui, par définition, c'est un sujet qui n'a pas été tellement fouillé. Il y a eu quelques livres, un livre en France dans les années 40, un ouvrage dans le monde anglo-saxon, un ouvrage en Allemagne, mais sur des périodes plus larges. Moi, je me suis vraiment intéressé au vol du point de vue de l'historien de la science médiévale que je suis. Et précisément parce que ce rêve, cet invariant anthropologique qui est le rêve de vol, avait donné assez peu d'indices au Moyen-Âge, il était intéressant de passer les quelques indices que nous avions au crible vraiment de nos connaissances de l'histoire de la science médiévale. Peut-on dire que sous l'Antiquité, il y a un rêve de vol marqué de manière plus nette qu'au Moyen-Âge? Ou alors est-ce que le Moyen-Âge s'inscrit vraiment dans cet héritage antique où, à part Icare, Dédale, il n'y a pas tellement de volonté d'atteindre les cieux? C'est difficile de répondre. On a l'impression qu'il est un peu plus présent dans l'Antiquité, mais il faudrait sans doute consulter les historiens de l'Antiquité pour savoir si vraiment ce n'est pas une vue de l'esprit. Avec ici le vol dans les airs au Moyen-Âge, essai historique sur une utopie scientifique que vous avez publié aux Belles Lettres, Nicolas Veille-Parot, il y a ce mot utopie qui est complètement anachronique, on l'entend bien, puisque utopie, c'est le XVIIe siècle. Mais pourquoi utopie scientifique? Alors évidemment, j'ai employé le terme utopie scientifique qui est anachronique puisqu'il apparaît chez Thomas More. Donc après le Moyen-Âge, il est employé du reste par les historiens des pouvoirs au Moyen-Âge, pour, même si c'est anachronique, pour qualifier certains rêves politiques, mais ce n'est pas du tout dans un sens politique que je l'ai employé. Je l'ai employé rapporté vraiment à la science, et je pense que c'était un terme important, parce qu'il dit quelque chose d'un programme. C'est-à-dire, j'aurais pu parler de merveilleux scientifiques, par exemple, mais c'est insuffisant. car ce n'est pas une simple curiosité. Ce que j'ai voulu montrer, on aura l'occasion de revenir, je pense, sur le personnage de l'auteur qui est Roger Bacon, il y a vraiment un projet scientifique dont fait partie le vol, et c'est à travers cette perspective du projet que j'ai voulu appréhender ces questions de vol, et c'est pour ça que le terme d'utopie scientifique me semblait convenir. Alors j'avais défini l'utopie scientifique en partant d'un grand nombre de textes que j'avais analysés, pas seulement sur le vol, sur les roues perpétuelles, etc. Et j'ai arrivé à l'idée qu'on pouvait définir, pour le Moyen-Âge, l'utopie scientifique comme une projection imaginaire d'une invention étonnante, exprimée avec une volonté de rationalisation, puisqu'on est dans la science, l'utopie scientifique, et dont la réalité oscille entre le possible et l'impossible, et point très important, du point de vue même de celui qui l'énonce. Et ce dernier point est important, parce que ce n'est pas à l'historien d'aujourd'hui de juger que tel projet a été utopique. Il faut vraiment que celui qui l'a formulé ait eu cette conscience de cette indétermination de ce projet entre le possible et l'impossible. En fait, l'utopie scientifique, c'est la projection de la science au-delà de l'actuellement possible. Oui, et l'actuellement possible nécessite une recontextualisation sans cesse. Vous avez cité Roger Bacon. Nous sommes à quelle période ? Alors, nous sommes au XIIIe siècle, Roger Bacon. Donc, c'est l'auteur, vraiment, l'auteur clé de ce rêve du vol, puisque c'est le seul auteur médiéval qui a imaginé qu'on pouvait construire une machine pour voler. Voilà, donc je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir sur le personnage. Ah ben, on revient sur lui tout de suite. Vous, Nicolas Vaiparo, vous dites Roger Bacon, d'autres disent autre chose. Nous avons quand même un grand défenseur de l'idée d'expérience, c'est Bacon, Roger Bacon bien entendu, et non pas Francis Bacon, qui est à la vérité plutôt un polémiste, favorable à l'idée de science et au progrès de la science, plutôt que un véritable savant lui-même. Oui, mais Bacon nous cite un homme qu'il admire beaucoup à son époque, celui qu'il appelle le maître des expériences, c'est le Picard. Pierre de Maricourt. Ce Picard a eu l'excellente idée de briser un aimant pour déterminer les pôles et de ressouder ses pôles. Il y a là, bien que la découverte ne soit pas d'une importance capitale, une volonté de susciter l'expérience concrète qui est fort intéressante et des conséquences qui aussi sont fort curieuses, en particulier son idée de combiner la boussole et l'astrolabe pour en faire un instrument révolutionnaire de navigation. Roger Bacon, donc, qui nous est présenté par Guy Beaujean et Jean-Théodore Idès, historien des sciences dans l'émission Analyse spectrale de l'Occident. Nous étions en 1959. Alors, c'est intéressant d'entendre cela parce que historien des sciences qui regarde ce Roger Bacon, Bacon, qu'est-ce qu'il propose en fait de nouveau par rapport à ce qui se fait en son temps ? Alors, Roger Bacon, en fait, connaît deux périodes. Une première période dans laquelle, jusqu'en 1250, il est un pionnier de la scolastique universitaire. Il fait partie des premiers, c'est pas le tout premier, des premiers commentateurs de la physique d'Aristote, par exemple. Mais après 1250, il connaît une évolution. Il rompt avec ce savoir universitaire, il entre dans l'ordre franciscain. Et ses derniers écrits proposent une réforme du savoir. Et il a donc une vision du monde assez singulière, qu'il ne faut pas moderniser à l'excès. Et j'avais avec émotion la voix de Guy Beaujean, qui avait parfaitement vu, en fait, la perspective dans laquelle s'inscrivait Roger Bacon. Je suis vraiment tributaire de ce qu'avait dit de façon très, très sobre, extrêmement précise, Guy Beaujean à ce sujet. Roger Bacon, en fait, est préoccupé par l'eschatologie, donc la fin du monde qu'il juge proche. Il veut promouvoir quelque chose qui est une anti-magie, qui s'inscrit contre la magie, mais qui a plus de pouvoir même que ce que promet la magie. Il a la conviction que la science et le domaine de l'ars, c'est-à-dire la traduction ars, c'est la traduction de techné en grec, c'est l'activité de poésis, de création, c'est tout ce qu'on pourrait appeler de façon approximative, la technique, si vous voulez. Donc là, l'idée, c'est que le domaine de l'art et de la science, c'est un domaine de secret que l'homme a vocation à élucider. Donc une conception progressive de la science, fondée, et c'est très important chez lui pour comprendre pourquoi on trouve l'idée d'une machine à voler, que l'ars, la technique, peut dépasser la nature. Et là, je suis l'un des très rares auteurs, peut-être le seul, au Moyen-Âge à dire que l'art peut dépasser la nature. Normalement, l'activité artificielle ne peut que produire des imitations imparfaites de la nature. Ce faisant, donc, il extrapole à partir de la science de son temps, et en particulier à partir de la statique, la science du poids, et il va réinterpréter des exemples qu'il trouve dans la littérature ou dans les récits légendaires à la lumière de ces inventions de son temps. Et il va imaginer, extrapoler, qu'on peut fabriquer, alors, le texte est vraiment très très connu, hein, des chars sans chevaux, mais qui avancent, des navires sans rameurs, avec un seul rameur qui active un petit mécanisme et qui fait avancer le bateau plus vite que s'il y avait 100 rameurs, des instruments pour explorer le fond des fleuves ou le fond des mers, des ponts qui tiendraient sans piles, sans appui, et il y a cette machine à voler. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, il ne faut pas moderniser excessivement Bacon. Bacon a le regard tourné vers le passé. Ce sont des inventions, selon lui, qui ont déjà été faites dans le passé ou ailleurs, mais dont on ne sait plus, dont on a perdu en quelque sorte le secret. Toutes ces inventions, sauf une, la machine à voler. Ah oui. Celle-là, non. On ne l'a pas encore, quoi. On ne l'a pas encore. Alors, il fait une remarque un peu curieuse. Il dit « Je connais un homme qui y a pensé et qui y travaille. » Alors, l'historien Robert Halleux a fait l'hypothèse qu'il pouvait s'agir de Pierre de Maricourt, ce même auteur que citait tout à l'heure Guy Beaujouan, c'est-à-dire cet ingénieur militaire, le terme est anachronique, qui avait fait des expérimentations réelles avec l'aimant et qui lui aussi avait proposé des utopies scientifiques puisqu'il imaginait une roue perpétuelle mue grâce à un aimant ou une sphère magnétisée qui se mouvrait selon le mouvement de la sphère céleste. Et j'ai pris au sérieux l'idée de Robert Halleux, qui était une hypothèse. Je suis allé regarder le traité sur l'aimant. Et j'ai vu un petit passage intéressant dans lequel Pierre de Maricourt imagine une sphère métallique en fer qui, grâce à un système d'aimant, serait maintenue dans les airs. Il me dit, ça pourrait être l'indice. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la machine de Roger Bacon, puisque Roger Bacon, en fait, imagine un homme installé, assis dans une sorte de nacelle, qui actionne avec ses mains un petit mécanisme. Ce petit mécanisme a un effet démultiplicateur qui actionne deux ailes et qui fait voler l'ensemble du dispositif. Nous sommes toujours en comparaison avec l'animal, avec l'oiseau. Nous sommes toujours en comparaison avec l'oiseau, et du reste, les exemples, on trouve des exemples de logique au Moyen-Âge. Si l'homme vole, alors il a des ailes. D'accord. C'est, oui, la logique oui. Inversée. Parce que ce que vous nous dites là, Nicolas Vaille-Parot, ce n'est pas tant rechercher la personne qui a tenté de fabriquer, d'imaginer une machine, mais c'est plutôt comment la pensée elle-même devient apte à laisser le champ libre à imaginer cela. C'est ça qui se passe avec Francis Bacon. Et c'est déjà énorme. Oui, oui, c'est un auteur. Alors, ça ne veut pas dire que les autres auteurs qui étaient dans une scolastique plus universitaire n'étaient pas tout aussi brillants rationnellement. Mais disons, ce n'était pas un hasard si l'auteur qui a pensé que l'art pouvait dépasser la nature pense non seulement qu'on peut faire voler l'homme, mais qu'on peut le faire voler avec un mécanisme. C'est-à-dire que le modèle de Bacon, ce n'est ni Icare, c'est-à-dire un homme qui, avec sa force musculaire, pourrait voler, ni la légende d'Alexandre le Grand. Parce qu'on pourrait dire, il n'y a pas de précédent, mais il y a l'exemple de la légende d'Alexandre le Grand, dont on raconte qu'il s'était installé dans une nacelle tirée par deux griffons, et que ces griffons l'emmenaient dans les ailes. Pourquoi ? Mais ces deux modèles ne conviennent pas à Bacon, en fait. Parce que Bacon veut, dans toutes ses inventions, affranchir l'homme de l'effort physique ou de la dépendance à la force animale. Donc, il dépasse doublement les limites, d'une part en proposant un instrument pour voler, et d'autre part en donnant à cet instrument pour voler les caractéristiques d'une libération par rapport à la dépendance de la force animale ou de l'effort physique. Et donc, j'ai dit Francis Bacon, c'est évidemment Roger Bacon, mais mon esprit s'était envolé en vous écoutant, Nicolas Vaille-Parot. Avec la science telle qu'elle est perçue au Moyen-Âge, que l'on doit comprendre, le Moyen-Âge, toujours le redire, longue période, et on voit bien ce qui se passe dans cette période avec Roger Bacon au XIIIe siècle. Nous sommes à un moment d'évolution, de transition des savoirs, parce que il faut peut-être faire le point sur le héros de la science au Moyen-Âge, Aristote. C'est surtout la mécanique d'Aristote qui fournissait à la science du Moyen-Âge ses principes dominateurs. La mécanique d'Aristote règle le ciel et la terre. Elle est alors associée à l'astronomie de Ptolémée. Le Moyen-Âge dispose ainsi d'une vision du monde claire et distincte, pourvu, semble-t-il, de vérifications astronomiques nombreuses et précises. Une science qui a une si haute tradition, une science qui s'unit à une philosophie si synthétique, peut se détourner d'une expérience minutieuse. Le Moyen-Âge, pourtant si progressif dans l'évolution de la technique, n'aborde que d'une manière sporadique les problèmes de l'expérimentation. En 1953, dans l'heure de culture française, Gaston Bachelard, le philosophe des sciences, qui nous présentait Aristote. Alors, Nicolas Veille-Parot, dans votre réflexion sur le vol dans les airs au Moyen-Âge, quelle place pour Aristote? Vous êtes historien, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et c'est vrai que Aristote laisse-t-il la place à la possibilité de voler? Alors, c'est-à-dire, oui, Aristote devient... sert de cadre à la science scolastique, c'est-à-dire à la science qui, après le grand mouvement des traductions à partir du grec et de l'arabe du XIIe, se développe dans le cadre universitaire au XIIIe siècle. Et Aristote, j'ai essayé précisément dans une partie du livre de voir comment, avec la pensée de la physique inspirée d'Aristote, on pouvait penser la question du vol. C'était le deuxième axe de ma réflexion. Aristote a évoqué les oiseaux dans ses traités zoologiques. Il a aussi évoqué la situation, la question des projectiles, par exemple. Il y a des points sur lesquels pouvait s'accrocher une pensée sur le vol. Mais il est vrai que, l'aristotélisme n'a pas du tout été un carcan pour la pensée. Hein. Ça, je pense qu'il faut abandonner cette idée. Au contraire, je pense que ça, les auteurs scolastiques ont su très très bien naviguer, faire évoluer, contredire, etc. Mais Aristote lui-même n'avait pas parlé du mécanisme du vol, proprement dit. Même quand il parle des oiseaux, ce n'est pas ce point qu'il tente d'expliquer d'un point de vue physique. Et puis, il y a la motivation de voler. C'est vrai que, bon, une certaine curiosité intellectuelle, pourquoi pas, mais quel besoin de voler? Alors, on a Icare, on sait bien le pourquoi il a besoin de voler, ils ont besoin de s'envoler pour partir de là où ils sont. Dans le cas d'Alexandre que vous avez cité, Nicolas Veille-Parot, Alexandre le Grand, bien sûr, nous sommes là aussi sur une narration, mais vous l'avez dit, c'est avec des griffons. Griffons, c'est quoi? C'est la tête de lion? Oui, c'était un mélange d'aigle et de lion, c'est un animal mythologique qui n'existe pas, évidemment. Et donc, Alexandre le Grand était animé par la curiosité. Il voulait regarder la sphère terrestre depuis les hauteurs. Les récits sont souvent assez moralisateurs. Hein. Ils admirent à la fois l'audace de l'entreprise. Ils sont fascinés. Il y a des superbes représentations iconographiques de ce vol. Ça fascinait. Mais en même temps, il finit quand même par tomber, sans se tuer. Mais il y a une sorte d'audace, là, de curiosité, qui n'est pas forcément bien vue. Cela dit, en revanche, je ne crois pas du tout que l'obstacle à l'idée de vol ait été constitué par des motifs théologiques. Ça, c'est un mythe aussi, un mythe de l'Église obscure qui se serait opposée au progrès technique scientifique, ce qui est faux, hein, ce qui est complètement faux, bien sûr. Ah bah ça, c'est bien de le dire aussi, parce que ça va à l'encontre des représentations bien souvent que nous avons sur le Moyen-Âge et l'Église au Moyen-Âge. C'est-à-dire que la curiosité, vouloir atteindre les cieux, qui pourrait être condamnée, tout comme la curiosité d'Icare ou celle d'Alexandre, vous mettez ça de côté? Oui, je pense qu'il y avait une... il peut y avoir des leçons de morale, hein, la curiosité, une audace particulière. On trouve ça même dans le récit de Geoffroy de Malmesbury à propos du vol d'Aylmer Malmesbury, sur lequel on reviendra. Mais il n'y a pas d'obstacle théologique à la question du vol. Le problème est autre, c'est qu'au fond, cette science scolastique n'est pas fondée sur l'articulation d'une ars et d'une science. C'est d'une technique et d'une science. C'est une science spéculative, hein, qui spécule. Alors il y a des hypothèses, on a des exemples au XIVe siècle d'imagination de situations de vol, mais l'Église ne s'est pas opposée au progrès technique scientifique. Et du reste, la plupart, presque tous les hommes de science au Moyen-Âge sont des clercs. Et ben voilà, c'est le cas de ce jeune moine, un bénédictin, qui lui aussi rêve de prendre les airs. C'était un homme cultivé pour cette époque, d'un très grand âge, qui, dans sa prime jeunesse, avait tenté un acte d'un courage remarquable. Par certains moyens, je ne sais guère lesquels, il avait attaché des ailes à ses mains et à ses pieds, afin que, confondant la légende et la réalité, ils puissent voler comme des dalles et, allant chercher la brise au sommet d'une tour, il vola sur plus d'un furlon. Mais, agité par la violence du vent et les tourbillons de l'air, ainsi que par la conscience de la témérité de son acte, il tomba, se brisa les deux jambes et resta boiteux par la suite. Il racontait que la cause de son échec était son oubli de se munir d'une queue. Anne Toscan Dudès qui nous disait cet extrait qui évoque une tentative d'envol au XIIe siècle avec ce mot que peut-être, auditeurs, auditrices, vous avez marqué, de furlon. Donc le furlon, c'est une unité de mesure, c'est à peu près 200 mètres. Donc il aurait volé 200 mètres. Qui est ce pionnier des airs, Nicolas Veille-Parot? Ah oui, c'est un personnage fascinant. Alors nous connaissons cette histoire par un moine du monastère de Malmesbury, le même monastère que celui où avait vécu cet Aylmer. Guillaume de Malmesbury avait dû recueillir le témoignage de moines âgés de ce monastère qui avait été témoin de la scène ou qui était au courant. Donc l'historien des sciences Lynn White, jadis, s'était penché sur ce vol. Il pensait qu'il avait vraiment eu lieu. Ce n'est pas une invention. Il y a vraiment eu ce vol qui le situait entre 1000 et 1010, puisque on en arrive à des indices dans le texte qui permettent de le dater. Et donc ce moine se serait muni d'ailes emplumées. Et se serait jeté donc de la tour du monastère. Et sans doute son idée, c'est ce qui explique que Lynn White, était de battre les ailes, parce que c'est un des problèmes récurrents, c'est ce modèle des ailes battues, et qui évidemment est impossible pour l'homme. Mais en fait, il a dû planer quelques 183 mètres peut-être, avant évidemment que l'histoire se finisse mal, mais il a survécu, il avait les jambes cassées, les jambes brisées, simplement. Voilà, donc une distance d'un furlon, avec quand même une conclusion à tirer de cette expérience par l'auteur lui-même, il manquait une queue. Oui, il manquait une queue. C'est très curieux parce qu'on a, on dispose d'un récit dans le monde arabo-musulman de 9e siècle, où Ibn Firnas, à Cordoue, s'était aussi jeté dans les airs et lui aussi attribuait son échec à l'absence de la queue. Mais cela dit, il n'y a pas de lien entre les deux récits parce qu'on ne voit pas d'abord comment il aurait pu être au courant. Puis, s'il avait été au courant, il se serait muni d'une queue, justement. Donc, ce sont deux anecdotes assez similaires, mais à mon avis indépendantes l'une de l'autre. Nicolas Veille-Parot, on sent vraiment que nous sommes, et vous venez d'utiliser ce mot d'anecdote, dans les marges. Mais c'est toujours très intéressant d'étudier les marges. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de constant, l'idée de voler. Ce n'est pas ce rêve fou des hommes que l'on a longtemps présenté. Il ne faudrait pas chercher des pionniers au Moyen-Âge pour essayer de comprendre l'aviation du XXe siècle. Non. Et de façon générale, il faut éviter ce que l'historien des sciences Edward Grant appelle le précursoritisme, vouloir à tout prix rechercher des précurseurs. Il faut étudier. Enfin, moi, je suis convaincu du progrès de la science, mais je suis pas du tout relativiste. Mais lorsque j'étudie la science médiévale, j'essaie de la comprendre avec les concepts de son temps, c'est-à-dire de me mettre dans l'esprit de ceux qui pensaient le vol à cette époque. Alors le modèle des oiseaux mettait en fait les hommes de ce temps sur le modèle du vol battu. Daniel Parocchia, qui avait écrit un beau livre sur l'homme volant, montrait que c'était en fait une catastrophe parce que c'est impossible. Il faut attendre en fait le début du 19e pour imaginer un dispositif où il y a un système de poussée qui est séparé du problème de la portance, c'est-à-dire du fait que l'oiseau vole. En fait, l'oiseau bat les ailes, surtout pour la pousser. La portance est assurée par l'air qui passe sous ses ailes, ou au-dessus de ses ailes. Donc, le vouloir prendre comme modèle le vol battu est voué à l'échec, en réalité. Alors, il faut prendre un autre modèle. Et pourquoi pas les navires sur l'eau? Voilà, le deuxième modèle, c'est celui de l'aérostat, puisqu'effectivement, historiquement, le premier vol humain a eu lieu dans une montgolfière, à la fin du 18e siècle. De ce point de vue, les historiens avaient été intrigués par un passage d'un spécialiste de la physique du XIVe siècle, qui s'appelle Albert de Saxe, et qui fait ce qui se faisait beaucoup, des hypothèses sur les imaginations, c'est-à-dire il imagine des situations pour voir après comprendre ce qui se passerait d'un point de vue physique. Donc il imagine un bateau qui serait rempli de feu. Alors, il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, Si tout, le monde, tout était en repos, normalement au cœur du monde, il y a la Terre, au-dessus l'air, qui est un peu moins lourde que la Terre, la Terre, ensuite l'eau, ensuite l'air, et ensuite le feu. Donc, Albert de Saxe imagine que ce navire rempli de feu, évidemment un navire ignifugé, pourrait flotter au-dessus la sphère de l'air, comme les bateaux que nous connaissons flottent au-dessus de la sphère de l'eau sur l'océan. Et donc, Nicolas Rehm, un autre grand savant du XIVe, reprend aussi cette imagination. Et alors, c'est important parce que, en fait, évidemment, ça a intrigué un petit peu les historiens, car aujourd'hui, la navigation aérienne est fondée sur l'application de la poussée d'Archimède à l'air. Or, les deux auteurs, alors Albert de Saxe ne convoque pas la poussée d'Archimède qu'on connaissait, une transmission discrète, mais c'était quelque chose de connu au Moyen-Âge. Albert de Saxe ne la sollicite pas. Nicolas Rehm y fait allusion, mais in fine se range à l'explication simplement que le feu étant plus léger que l'air, ce navire serait porté au-dessus de la sphère de l'air. Mais évidemment, ce n'est pas vraiment l'ancêtre des montgolfières, parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui flotte dans l'air, mais de quelque chose qui flotte au-dessus de la sphère de l'air. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bah oui, parce que là, on touche au feu dès lors, et pour les voyageurs, ça peut être difficile. Nicolas Veilpart, on entend bien que dans cette démarche de l'historien des sciences que vous êtes, il n'y a pas de jugement sur ces textes du passé, parce que ça pourrait nous paraître farfelu parfois. Mais non, il faut recontextualiser, mais c'est extrêmement difficile de recontextualiser, non pas la pensée d'un moment donné, mais d'un auteur ou d'une autrice à ce moment-là, parce que chacun est le fruit de son propre milieu. Oui, alors c'est ils ont évidemment une sorte de cadre commun qui est la science scolastique inspirée d'Aristote. Il s'agit d'un Aristote un peu impur, c'est pas un Aristote tout à fait pur, mais c'est ce cadre-là qui est leur cadre de réflexion. Même Roger Bacon, qui dit s'affranchir du savoir universitaire, est pénétré de cette science aristotélisante. Oui, parce que c'est ça, c'est absolument partout cette réflexion sur la manière de voler, et c'est quelque chose qui est bien souvent présenté comme inhérent à la nature humaine. Levé à 4h du matin, Robert Coutreau passe ses journées dans son atelier. Pas question pour lui de copier des idées dans les livres. En ce moment, il cherche à percer le mystère du vol. On utilise comme le battement d'un oiseau, de l'aile d'un oiseau. Vous faites ceci, vous voyez qu'elle avance automatiquement. Je cherche maintenant à ancrer les deux. Vous en avez une, j'en avais deux. Ces deux-là, il faut la ancrer ensemble, c'est-à-dire faut la placer ensemble pour qu'elles fonctionnent ensemble. Et pour fonctionner ensemble, elle refuse carrément de fonctionner. L'essai du jour n'était pas concluant, mais Robert Coutreau, sur l'établi, chaque jour remet son ouvrage. La solution, ce sont eux qui l'ont. À force de les observer, l'homme trouvera peut-être. Tout le monde, y compris les goélands, les oiseaux, veulent aller plus haut, veulent aller plus loin. C'est un rêve, c'est de l'humanité, c'est ça. Et oui, c'est ça, c'est M. Coutreau qui, en 1992, dans Franche-Comté Actualité, racontait ses expériences pour s'envoler avec une démarche qui est un peu intemporelle. Nicolas Veilpart, l'observation des oiseaux, pourtant, on peut y croire, c'est quelque chose qui revient sans cesse. Il y a la difficulté du battement. C'est sûr que l'homme n'a pas assez de muscles, ou en tout cas, il n'est pas fichu suffisamment bien pour pouvoir voler, planer. C'est concevable? Oui, non, c'est impossible. En fait, oui, on sait maintenant que c'est impossible. La voie du vol battu est une impasse. Les auteurs médiévaux disposaient donc des traités zoologiques d'Aristote, et du reste, ces traités ont fait partie de cursus universitaires, donc on pouvait les étudier. Ces traités ont été commentés. Alors, il y a eu le commentaire non universitaire de Frédéric II, le traité de Fauconnerie, qui était remarquable et qui d'ailleurs prenait quand il le fallait, les distances avec Aristote, en disant que Aristote avait été certes un grand philosophe, mais ça n'avait pas été un grand chasseur, donc lui pouvait apporter des éléments que ne donnait pas Aristote. Albert le Grand, donc l'autre grand savant du XIIIe siècle, a fait aussi un long commentaire à ces traités zoologiques d'Aristote. Alors on voit comment la question, le cadre aristotélicien pose parfois des difficultés. Donc, comme le vol plané n'est pas pensable dans l'univers aristotélicien, puisqu'il faut que tous les mouvements doivent être articulés, le vol plané n'est pas un vol articulé, Albert le Grand observe les grands oiseaux, et il voit bien qu'ils n'ont pas l'air de remuer beaucoup leurs ailes. Mais plutôt que de remettre en cause donc, cette impossibilité du vol plané, ils préfèrent dire qu'en fait, ils battent les ailes, mais de façon imperceptible. Ah, ouais, c'est très malin ça. On ne les voit pas parce que nous sommes trop bas, mais ils battent tout doucement les ailes. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à ce rêve. Ce rêve médiéval de l'envol, ce rêve à nuancer, c'est ça aussi qui est important. Surtout, comment la pensée évolue avec l'idée même de voler. Et dans cette histoire médiévale, il nous faut évidemment quelques anges. Et pour ces anges, le mieux, c'est de les présenter en chanson. Claude Nougaro. À midi, les anges mangent sur la nappe de l'azur la resplendissante orange du soleil bien mûr. Quand le repas est fini, c'est la nuit, c'est la nuit. À minuit, les anges lavent leurs grandes ailes dorées à la fontaine suave de la Voie lactée. Quand le dernier sort du bain, c'est le matin, c'est le matin. Au printemps, les anges volent comme de jolis papiers en laissant leurs auréoles tomber à leurs pieds. Quand l'un de vous vole autour, c'est l'amour, c'est l'amour. En hiver, les anges paillent et sommeillent à demi. Ils s'étendent sur la paille comme des brebis. Quand le plus bavard s'endort, c'est la mort, c'est la mort. Alors, nous devenons tous des anges. On se réveille à midi devant la superbe orange du soleil qui luit. Quand le bon Dieu nous sourit, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Les anges par Claude Nougaro dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Élise Leu. Et aujourd'hui nous nous envolons, alors nous nous envolons, nous l'avons bien vu, plus par la pensée que par la concrétisation du mouvement, mais ça se termine plutôt mal pour ceux qui ont essayé. Mais les anges, Nicolas Veilleparot, le vol dans les airs au Moyen-Âge, dans votre essai historique sur une utopie scientifique qui a été publié aux Belles Lettres, il y a un beau dossier iconographique avec des ailes. Alors ça, des ailes, il y en a sur les anges. C'est quelque chose de systématique, ça? On colle des petites ailes aux anges? Et oui, parce que dans la Bible évoque les ailes des anges, mais dans la Bible, du reste, ces ailes ont comme fonction première de protéger, une fonction protectrice des ailes. L'iconographie représente systématiquement presque les anges, enfin oui, systématiquement les anges avec des ailes. Les récits hagiographiques peuvent également y faire allusion, mais en réalité, il y a une distorsion entre ces représentations et ce que les philosophes et les théologiens médiévaux disent des anges. C'est-à-dire que pour le théologien scolastique médiéval, un ange, c'est un esprit, un pur esprit, ce qu'on appelle une substance séparée. Et donc, d'une certaine manière, il ne peut pas voler, puisque le vol se définit par la suspension ou le déplacement d'un corps dans les airs. Or, si les anges n'ont pas de corps, ils ne peuvent pas être dits volés. Les anges n'ont pas de corps et leur localisation est problématique. On sait que chez Aristote, pour être localisé, il faut un corps, puisqu'il n'y a pas de vide, donc un corps doit être localisé, donc un objet est localisé par la limite du corps qui l'enveloppe. Oui. Donc à partir du moment où les anges n'ont pas de corps, ils ne peuvent pas être localisés. Alors il y a plusieurs théories, je ne rentre pas dans les détails, mais disons qu'on peut comprendre que de cette manière, dans la mesure où il n'a pas de corps, l'ange se localise à l'endroit où il pense, puisqu'il n'est que pensée. Et on revient toujours à la pensée. Oui. En revanche, il a la possibilité de déplacer les corps. Il peut prendre les corps et les déplacer. Donc on peut dire qu'il peut faire voler les corps, et s'il les fait voler, l'ange est donc l'agent non volant du corps volant. D'accord, ça c'est les vite-saints qui nous donnent tant d'informations. Oui, oui, alors il y a des vides saints, en particulier, bon, on peut citer l'histoire de sainte Hildegonde, qui était une sainte du XIIe siècle, qui nous rapportait par Césaire d'Esterbach, et qui avait été, après une sombre histoire, s'était retrouvée pendue à une corde, et un ange l'a soutenue pour que le nœud de la corde ne se resserre pas autour de son cou. Ensuite, des bergers sont venus détacher la corde, et le corps, au lieu de tomber d'un seul coup, s'est mis à descendre tout doucement. Donc les bergers étaient affolés, sont partis en courant, et pour finir, l'ange est apparu, il lui a demandé où elle voulait aller, et l'a transporté à l'endroit où elle voulait. Comme ça, c'est un ange très élégant. Il sait se comporter avec les dames. Voilà. Il l'a ramené à la maison. Non, mais c'est vrai, on laisse pas les gens rentrer seuls. Avec ici cette histoire d'ange qui nous conduit à la réflexion, non pas d'un théologien, quoique, Michael Lonsdale. Les anges, je les entends comme des êtres célestes, ce qu'ils sont, difficilement descriptibles. On nous en parle dans beaucoup de textes, mais une description très précise d'un ange, on peut dire par exemple que ce sont des êtres intermédiaires entre Dieu et le monde, mentionnés sous des formes diverses dans les textes acadiens, ougaritiques, bibliques et autres. Ils seraient ou des êtres purement spirituels ou des esprits doués d'un corps éthéré, aérien, mais ils ne pourraient revêtir des hommes que les apparences. Ils rempliraient pour Dieu les fonctions de ministres, messagers, gardiens, conducteurs des astres, exécuteurs des lois, protecteurs des élus, etc. et seraient organisés en hiérarchie de 7 ordres, de 9 cœurs et de 3 triades. Et ben voilà, c'est Michael Lonsdale dans l'émission « Comment l'entendez-vous » sur France Musique en 1989. Nicolas Veille-Parot, vous nous l'avez bien dit, l'Église n'est pas un frein à la réflexion scientifique, en tout cas telle qu'on l'a longtemps présentée, mais cependant la réflexion religieuse ne peut pas se séparer de la réflexion scientifique et inversement, c'est-à-dire les anges font complètement partie de cette réflexion scientifique. Oui, oui, c'est-à-dire que les théologiens se mettent à poser des questions qu'Aristote ne s'était pas posées, puisqu'évidemment, il y a peut-être l'évocation d'une intelligence céleste motrice des sphères célestes chez Aristote, mais c'est tout à fait discret, mais l'ensemble de la question du mouvement est posée à partir de corps. Or là, il s'agit d'expliquer la présence de pur esprit dans un monde aristotélicien. Donc c'est tout l'effort de conceptualisation, de transformation de ce cadre qui est en jeu. Oui, ce cadre-là qui permet malgré tout toute la pensée. Mais ce qui nous intéresse, Nicolas Veille-Parot, qui est le vol dans les airs, nous fait oublier peut-être ce qui intéresse le plus les gens. Qu'est-ce qui intéresse le plus en fait au Moyen-Âge, si c'est pas le vol dans les airs? Quel est ce fantasme, ce rêve à réaliser? Je ne sais pas. Je pense que les rêves étaient nombreux, étaient très nombreux. Le rêve de vol est peu présent, mais quand il est présent, il est présent de façon significative. Voilà, il est très riche d'informations sur la science médiévale. Au fond, c'est ça. Vous parliez tout à l'heure de marge. Oui, ce sont des données isolées, mais qui permettent de comprendre toute la rationalité de l'édifice qu'il y a derrière. Avec un regard vers le passé, parce que là aussi, vous nous avez dit qu'il y avait. Quelque chose par rapport à l'évocation d'Icare, par rapport à l'évocation d'Alexandre le Grand, quand il se balade sur son char, enfin, porté par des griffons, etc. On est dans une idée qui n'est pas tant de dire « il faut trouver une solution pour un jour pouvoir voler, nous, humains », mais plutôt de comprendre le monde tel qu'il est là, avec le passé toujours en regard. Oui, alors, il y a plusieurs modèles. Le modèle, par exemple, d'Albert le Grand, qui est le grand auteur scolastique du XIIIe siècle, lui a vraiment l'impression qu'avec la science aristotélicienne, on peut ici et maintenant, d'ores et déjà, dire rationnellement la totalité, expliquer la totalité du monde créé. Et c'est un monde, c'est un univers, c'est une représentation assez close de la science, mais extrêmement rationnelle, voire rationaliste, puisqu'il n'y a pas d'espace qui échappe à la lumière de la raison. Ce qui échappe à la lumière de la raison est endigué par des concepts comme les propriétés occultes, etc. Mais tout est au fond in fine rationalisable. C'est pour ça que Roger Bacon est singulier, parce que lui a une conception ouverte de la science qui n'est pas forcément plus moderne, hein, parce que lui a un regard vers le passé, mais avec l'idée que cette science est plus inquiète, car on va toujours pouvoir aller découvrir le territoire inexploré des secrets de la nature et de l'art. Donc on a deux modèles de rationalité entités différentes, mais deux grands modèles rationnels. Avec cette idée qu'il est possible de comprendre la nature grâce notamment à toute cette relecture qui nous vient du monde antique, parfois passée par le monde arabe, et qui nous permet, avec Aristote notamment, de saisir le monde. Parce que il y a peut-être surtout cela aussi dans cette utopie scientifique. Les oiseaux volent, pourquoi les humains ne volent pas? Est-ce que les humains peuvent voler? En fait, il y a un vrai jeu intellectuel ici sur cette question du vol. Oui, oui, oui. Alors, vous parliez de l'impossibilité humaine du vol. L'un des exemples d'impossible pris par un auteur comme Thomas d'Aquin, 13e siècle, l'une des modalités de l'impossible, c'est pas la plus forte, hein, mais c'est quand même une modalité de l'impossible, c'est le vol de l'homme. Mais, évidemment, il ne pense pas du tout à la question technique. Il dit simplement, naturellement, l'homme ne peut pas voler. Par ses propres mains, il ne peut pas voler. Mais c'est assez intéressant que ce soit pris précisément comme exemple d'impossible. C'est-à-dire que ça met la perspective d'un vol quand même très haut. Ah bah oui, c'est pas rien. Alors, vous me parlez de Thomas d'Aquin, moi je vous propose Saint-Augustin. Lorsque mon père eut réuni la somme nécessaire, je vins à Carthage pour suivre mes études. La vie avait un charme qui m'enivra. Le luxe et la richesse m'éblouirent. Je me fis élégant mondain. J'éprouvai un besoin très vif de briller et d'être flatté. Une curiosité sacrilège m'entraîna dans les plaisirs. J'exaltai les corps et la beauté. Je voulus éprouver les sensations les plus raffinées. Les spectacles du théâtre me ravissaient. J'osais, jusqu'à l'intérieur des églises, convoiter ce que d'autres ne manquaient pas de blâmer et me délecter d'une aussi scandaleuse audace. Je devins esclave de mon propre démon. Il me poursuivait et me harcelait sans répit. Je ne veux rien que tu ne veuilles. Souviens-toi que je t'appartiens et qu'en me blâmant, tu te blâmes toi-même. Laisse-moi en paix. Tu m'appelles et je viens. Tu abuses de moi, tu devances mes faiblesses. J'exécute tes ordres. Tu mens, tu flattes ma chair pour mieux abuser de mon péché. Tu n'en as aucun regret. Tes scrupules ne sont qu'un masque. Tu ne peux être où je ne sois déjà. Mon Dieu, détournez-moi de moi-même. Qu'attends-tu de Dieu? Non, Augustin, tu ne peux m'échapper. Augustin ou l'exigence de Dieu de Jacques Michaud, musique de Pierre Maillard Verger, c'est Jean Negroni qui est Augustin, futur saint Augustin. C'est un enregistrement de 1963 avec ici Augustin, 4e siècle en Algérie quand il raconte, enfin l'Algérie actuelle quand il raconte sa jeunesse, et l'évocation des démons. Nicolas Veilparot, dans l'inventaire que nous faisons de ce qui vole au Moyen-Âge, nous avons évoqué les anges, il faut évoquer les démons, mais on l'entend bien ici, en fait le démon n'est pas incarné, c'est un esprit. Mais le démon est un ange déchu, donc il a exactement les mêmes caractéristiques, la même nature spirituelle. Alors il y a eu quelques débats autour du corps des démons, mais enfin les théologiens ont plutôt tranché avec l'idée que ce sont des corps qui n'ont pas de corps, ce sont des créatures spirituelles. Alors évidemment, elles ont été alors que les anges ont accès au monde céleste, au monde au-dessus de la lune, où s'épanche la grâce et où les seuls mouvements sont le mouvement parfait du cercle des sphères célestes, les démons, eux, ont été précipités dans le monde de la génération et de la corruption, le monde d'ici-bas, en particulier dans l'air. Et bien les mêmes caractéristiques, c'est qu'ils ont la possibilité de mouvoir les corps, hein, de la même façon, hein, et même si eux-mêmes n'ont pas de corps. Ils peuvent parfois assumer des corps, dans le cas de possession, ils peuvent prendre. Mais ils ont la même capacité à mouvoir des corps, ce qui aura des conséquences lors du fantasme de la chasse aux sorcières. Les sorcières ici doivent apparaître dans cette histoire-là parce que nous avons cette représentation de la sorcière sur son balai, mais représentation que l'on retrouve à la toute fin du Moyen-Âge, hein, dans des marges de manuscrits enluminés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se développe avec la sorcière, l'idée que quelqu'un d'humain, mais pas tout à fait humain, peut se déplacer? Alors c'est un grand débat en fait. La chasse aux sorcières, donc c'est un fantasme qui naît d'abord dans les tribunaux laïcs, après dans les tribunaux ecclésiastiques, il faut le rappeler, dans les années 1430 dans l'arc alpin. Donc ça a été bien étudié, en particulier par les travaux remarquables de Martino Storero. Et c'est un phénomène qui va surtout se développer à l'époque moderne. L'idée que des sorcières se donnent rendez-vous dans des endroits pour faire des orgies épouvantables, hein, les sabbats. Et il semblerait, qu'on ait eu besoin du vol, parce que comme on interrogeait des suspects qui vivaient dans des vallées très éloignées les unes des autres, on avait du mal à imaginer qu'ils puissent tous être au même moment à un sabbat. Donc le vol venait permettre à ceux qui torturaient ces pauvres suspects de postuler qu'ils étaient venus en volant. D'ailleurs, il semblerait que dans un premier temps, ils aient plutôt volé sur des animaux avant de passer au balai. Mais alors, évidemment, pour le Moyen-Âge, ce qui n'existait pas encore, ce que les anglo-saxons appellent la witchcraft, il existait la sorcerie, c'est la sorcellerie traditionnelle. Mais il y a quelque chose qui est très très connu, depuis le Xe siècle, un texte qui s'appelle le Canon Episcopi, qui est entré dans le droit canon au XIIe siècle, et qui parle de femmes qui s'imaginent la nuit aller chevaucher en compagnie de Diane et d'Hérodiade, donc quelque chose, une sorte de fantasme païen. Et disons qu'elles sont condamnées, mais en général, la position, c'est que ce sont des illusions. Le problème est de savoir, après, à un moment de la chasse aux sorcières, ces femmes vont revêtir de plus en plus un aspect de femmes sorcières, disons, et la réalité du vol va être envisagée par certains inquisiteurs, notamment. Parce qu'effectivement, du point de vue théologique, les démons, tout comme les anges, avaient la faculté de déplacer des corps. Et du reste, par exemple, depuis l'Antiquité, l'évangile apocryphe de Saint-Pierre raconte comment Simon le magicien fut promené dans les airs par les démons, par exemple. Oui, parce que dans la Bible même, il y a des évélations. Mais alors, on est toujours, pour ces personnes-là, vraiment au top du top, parce que c'est la Vierge Marie, c'est Jésus. Non, mais cette lecture que l'on voit d'ailleurs représentée sur les tableaux, que l'on peut voir dans les églises, c'est quelque chose qui marque les esprits, mais c'est ici très très particulier. C'est-à-dire que là, c'est la nature même de la personne qui lui permet de s'élever dans les airs. Oui, alors là, vous faites allusion aux quelques cas de lévitation de saints au Moyen-Âge. Alors, il se trouve que Thomas d'Aquin n'est pas seulement un des très grands esprits et très grands auteurs du Moyen-Âge, mais c'est aussi un saint. Et dans son dossier de canonisation, on rapporte un cas de lévitation à peu près un mètre au-dessus du sol, à deux reprises. Et les auteurs donnent deux explications. Soit son âme était tellement pure que plus rien ne la retenait, et donc elle pouvait comme ça emporter le corps, soit c'est, d'ailleurs les deux ne sont pas contradictoires, c'est l'Esprit Saint qui faisait voler Thomas au-dessus du sol. Bon, alors nous vous avons trouvé Nicolas Veille-Parro avec Laurence Millet qui prépare cette émission, un saint qui lévite. Il est un peu plus tardif, il est du XVIIe siècle, mais il est très bien quand même. Comment il s'appelait déjà ce saint? Je ne me souviens pas du nom. Saint Joseph de Coubertin. Ah voilà. Qui a effectué son premier vol dans l'église souterraine d'Assise. Alors, ayant bien nettoyé la sainte des frocs et les reliques, et la petite chapelle souterraine ayant été envahie par les autres moines qui venaient assister à un office, ne pouvant plus sortir, il s'est envolé en marche arrière au-dessus de leur tête, à leur plus grande stupeur. La lévitation, c'est ça? C'est la lévitation. C'est une grâce de Dieu. J'en ai donné beaucoup d'exemples dans mon livre. Le plus ancien de tous, d'après les légendes chrétiennes, était l'archevêque de Canterbury, en Angleterre, qui le premier s'est envolé et monté jusqu'à la hauteur des tours, en volant. Mais c'est pas rien, C'est Blaise Sandrard, oui, qui nous racontait cette histoire d'un saint, Saint Joseph de Copertino, qui au XVIIe siècle avait réussi à s'envoler, mais il n'était pas le seul. C'est quelque chose de courant, la lévitation. On sait combien la lévitation, là, nous relie presque à d'autres cultures. Oui, non, c'est pas si fréquent que ça. André Vaucher, historien de la sainteté, dit que ce sont des cas assez exceptionnels. Il y a quelques exemples qu'il mentionne. Le plus connu est ensuite Thomas d'Aquin, mais ce n'est pas si fréquent que ça. C'est quand même un miracle assez extraordinaire. Tous les miracles sont extraordinaires, certes, mais celui-là frappe parce qu'il semble évidemment défier l'ordre naturel. Voilà. Nicolas Veille-Parro, on connaît bien Léonard de Vinci qui dessine sa machine, etc., qui ressemble à un hélicoptère pour s'envoler. Mais quel est, j'ose pas dire l'apport, mais on n'en est pas loin, quel est l'héritage, en tout cas, de toute cette pensée médiévale, cette utopie scientifique pour ce qui se passe ensuite, c'est-à-dire cette lente construction de la volonté de mettre en place de vraies machines? Ou alors est-ce que Vinci est le simple héritier dans la continuité de tous ceux que l'on a cités, par exemple Roger Bacon? C'est très difficile de savoir, parce qu'il faudrait connaître exactement ce qu'avait lu Léonard de Vinci, hein, pour en juger. Mais c'est-à-dire que c'est difficile parce qu'on a des cadres scientifiques qui sont très différents. Si je prends l'exemple du vide, je ne sais pas si je peux en parler un petit mot sur le vide. J'aime bien parce que l'idée que le vide n'existe pas nous permet d'apporter un peu de vide ici dans le cours de l'histoire. Oui, et Aristote disait que le vide n'existe pas. Évidemment, c'est quelque chose que la science moderne a remis en cause. On a vraiment deux univers très différents. Le vide n'existe pas, et au XIIIe siècle, les philosophes de la nature ont même développé l'idée d'une horreur du vide, c'est-à-dire qu'il y avait un principe dynamique dans la nature qui, dès que le vide menaçait, allait contrarier la nature particulière des choses, par exemple un corps lourd, qui normalement devrait tomber, ne tombait pas, grâce à l'intervention de la nature universelle, parce que l'intérêt suprême de la nature était qu'il n'y ait pas de vide. Alors c'est intéressant parce que ça a des conséquences pour la question, pour la question qui nous intéresse. Et en particulier, j'ai trouvé un texte de Walter Burley, un auteur de la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, qui se penchait sur une expérience qui était connue pour montrer l'horreur du vide, qui existait depuis l'Antiquité en fait, mais avec d'autres concepts. L'idée de deux plaques absolument lisses qui sont posées l'une sur l'autre, on ne peut pas les séparer comme ça, en parallèle, parce que, disaient les auteurs, justement, la nature a horreur du vide. Or, si on les séparait en parallèle, que se passerait-il ? L'air qui est autour ne peut pas avoir un mouvement instantané, donc il mettrait un certain laps de temps pour atteindre le centre. Donc pendant un certain laps de temps, il y aurait du vide. Alors, une des solutions pour résoudre le problème, c'est de penser qu'on pouvait séparer les plaques en les élevant de façon oblique, comme ça, par portion, l'air rentrait, il n'y a pas de mouvement instantané. Mais Walter Burley dit, mais non, ce qui est impossible au niveau de l'ensemble des plaques, l'est aussi à chaque moment. Donc, Walter Burley a cette idée, alors il part d'une idée qu'il trouve d'ailleurs dans le De Anima d'Aristote, c'est que, entre tout corps solide, il y a toujours un mince filet de fluide, que ce soit de l'eau ou de l'air. Et alors, il explique par exemple que même un gros rocher qui tomberait sur une pierre, bien, ce gros rocher, si lourd soit-il, en fait, parce qu'il n'y a pas de possibilité de mouvement instantané de l'air et parce qu'il y a l'horreur du vide, ne peut pas tomber sur le rocher. Et donc, il s'imagine des adversaires qui lui disent, mais dans ce cas-là, on tombe dans une bouffonnerie. Le terme est employé, une bouffonnerie, parce que ça veut dire que les animaux marcheraient non pas sur la terre, mais sur l'air. Et Walter Burley dit, mais ce n'est pas une bouffonnerie, c'est le cas. C'est-à-dire que notre langage courant imagine un animal marchant sur le sol, mais en réalité, il y a toujours un mince filet d'air. Ce qui m'a fait dire que, d'une certaine manière, il envisageait une sorte de lévitation universelle, puisque aucun corps solide ne peut être posé sur un corps solide. Eh bien voilà, c'est ça. En fait, c'est la réponse à toutes nos interrogations. Nous sommes en train de léviter dans ce studio, Nicolas Vallée-Parro, parce que nous ne sommes pas directement assis sur nos sièges, mais il y a un peu d'air entre nous. Exactement. Ah oui, c'est ça qui est formidable dans cette réflexion. Dans cette longue étude, j'imagine que vous avez fait la recension point après point de toutes ces évocations du vol. Vous avez aujourd'hui ce réflexe encore, depuis la parution de l'ouvrage, de voir des évocations d'envol au Moyen-Âge. Il y en a beaucoup, vraiment pas beaucoup, depuis que vous avez fait cette étude? Il y en a pas beaucoup. Il y en a un peu plus que ce que j'ai répertorié, parce que j'ai pas voulu faire un inventaire systématique, c'est un essai. Il y en a, j'en ai découvert quelques allusions dans la littérature que j'aurais pu intégrer, mais ce n'est quand même pas quelque chose de très très très présent. À chaque fois, c'est extrêmement intéressant, extrêmement instructif, mais c'est toujours des indices assez maigres. C'est des indices assez maigres et c'est un peu l'ampleur d'un travail comme ça, de s'intéresser à quelque chose qui pourrait paraître totalement maigre et totalement en marge, mais qui nous permet surtout de comprendre la perception de la science au Moyen-Âge, et on sent bien cette utopie scientifique que vous mettez en avant. Je veux pas dire que c'est un prétexte, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le vol, mais c'est l'occasion de réfléchir à la science au Moyen-Âge. Et on est d'accord quand même, Nicolas Vallée-Parro, elle en a bien besoin tant elle est décriée. Oui. Mais moi maintenant. Oui, mais disons que le Moyen-Âge souffre d'une vision très négative, et donc par ricochet, et en premier lieu, la science. Voilà, en premier lieu la science. Merci vivement à vous de nous avoir présenté le vol dans les airs au Moyen-Âge, cet essai historique sur une utopie scientifique. C'est un ouvrage publié aux Belles Lettres. Bon envol, Nicolas Vallée-Parro. Merci. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi la dissection des cadavres était-elle taboue dans l'Antiquité ? Dans son traité sur les animaux, Aristote écrit « Ce n'est pas sans une grande répugnance que l'on peut voir de quoi est composé le genre homme ». Ce dégoût explique pourquoi les anciens Grecs refusaient la dissection des cadavres. Leur répugnance était renforcée par les superstitions concernant la mort et par la phobie du sang qui coule, considérée comme une souillure. Pendant longtemps, c'est par analogie avec la dissection des animaux que des hypothèses ont été émises par les médecins sur l'intérieur du corps humain. Parce que les parties internes des hommes sont ignorées, écrit encore Aristote, il faut les étudier par référence aux parties des autres animaux dont la nature est proche de celle de l'homme. C'est en suivant cette méthode que les médecins de cette époque affirmèrent, par exemple, que lorsque nous buvons de l'eau, une petite partie passe dans le poumon par le larynx. L'un d'entre eux tenta de le prouver en procédant à la dissection d'un porc. Teignez de l'eau avec du bleu, donnez-la à boire à un animal très altéré, particulièrement un porc, puis coupez-lui la gorge pendant qu'il boit, vous la trouverez colorée par la boisson. Il fallut attendre le 4e siècle avant Jésus-Christ, quand la dynastie des Ptolémées régna sur l'Égypte, pour que la dissection du corps humain soit autorisée. Hérophile, né aux environs de 330 avant Jésus-Christ, qui pratiqua à la fois la dissection et la vivisection, fut l'un des premiers grands anatomistes de l'Antiquité. Pour exercer son art, il s'installa à Alexandrie, la ville où se côtoyaient deux civilisations, l'égyptienne ancestrale et la grecque introduite par les Ptolémées. La pratique ancestrale de la momification explique sans doute que la répugnance à l'égard de la dissection était moins forte en Égypte qu'en Grèce, même si ces deux façons de traiter le corps humain étaient très différentes. Hérophile put ainsi entreprendre des investigations anatomiques qui le conduisirent à des conclusions parfois très surprenantes pour le lecteur d'aujourd'hui. Il constata par exemple que les femmes possédaient ce que nous nommons des ovaires et des trompes de Fallope. Mais comme toutes ces descriptions reposaient sur un modèle d'anatomie masculine, il décrivit les ovaires, qu'il appelait les didymes, comme des testicules et les trompes comme des conduits spermatiques de type masculin. Bien qu'Hérophile ait tenté de présenter ses pratiques chirurgicales comme des investigations scientifiques, elles suscitèrent des protestations. Tertullien, un polémiste chrétien qui combattit activement les dogmes païens au IIe siècle avant Jésus-Christ, dénonça Hérophile en le présentant comme un boucher. Le triomphe du christianisme provoqua un nouveau long discrédit de la dissection du corps humain. Il fallut attendre près de 1000 ans pour qu'elle soit à nouveau admise. Parmi les médecins qui jouèrent un rôle essentiel dans ce processus, on peut citer Mondino de Luzzi. Son ouvrage sur l'anatomie de l'homme, publié en 1316, fut la principale référence dans ce domaine jusqu'au XVIe siècle. Mais c'est seulement en 1667-1668 que, grâce à Colbert, la dissection humaine fut inscrite au programme des travaux de l'Académie des sciences de Paris. Merci Gérard Noiriel pour cette chronique au scalpel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec à la technique Élise Leu. Émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Mayouen Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour les archives. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et notamment toute la série qui s'ouvre cette semaine avec Ciel, Histoire d'Envol, Âme, Ange, Démon, mais également S'envoyer en l'air pour les ballons dirigeables, Les As de l'aviation pour la Grande Guerre et Roissy, l'aéroport qui fête ses 50 ans.